Bonsoir à tous et bienvenue dans Memento Mori numéro 36 avec un petit mon petit Arnaud. Ouais, bon, voilà, donc une émission spéciale. Je vous vois aussi, moi. Hein. Cause animale. Je vous intéresse pas ou quoi là ? Avec Radio Mathieu aussi. D'habitude, on dit juste bonjour et puis après, on passe à l'autre personne. Mais là, du coup, t'as voulu enchaîner. Bah oui, parce qu'il fallait justifier. On n'a pas le temps de discuter. Voilà, voilà. Il fallait justifier sur ce qu'on vient d'entendre. Voilà, il fallait justifier ce qu'on venait d'entendre. Donc, c'est une émission spéciale cause animale où on va passer. Quasiment que des chansons engagées envers la défense des animaux, le végétarisme, le véganisme, etc., etc. Tout à fait. Donc voilà. Une émission à thème. Exactement. Voilà. Et d'ailleurs, coup de bol, aujourd'hui c'est le World Vegan Day. Ah, magnifique. C'est hasard. C'est ça. Un bel hasard, ouais. J'ai découvert ça il y a. Écoute, on reversera les royalties de cette émission à cet organisme. Ouais. C'est-à-dire, c'est bon. Ah non, mais PETA, l'association, pas PETA, l'organisateur de concerts en République tchèque. Oui, mais bon, c'est un militant aussi, donc. Peut-être que oui. L'un va avec l'autre, c'était pour ça qu'il s'appelle comme ça d'ailleurs. On va savoir. Peut-être au surnom. Et du coup, on a entendu, c'était le générique de ALF, pour ceux qui n'auraient pas reconnu. Voilà, ALF, pour l'Animal Liberation Front. Un jeu de mots commun. Oui, non, ça marche très bien. Ça marche très bien. Ah, ben voilà, pour une fois que vous appréciez une de mes blagues. Non, c'est totalement dans la thématique, Guillaume. C'est très Mitchien en plus. Oui, c'est voilà, ça. Donc, c'est un adjectif maintenant. Ouais, c'est exactement. Ah bah c'est bien, c'est pas mal. Hein. Bah du coup, on va peut-être s'écouter un morceau au lieu de. Ouais, voilà, on va tout de suite commencer par écouter le groupe Cattle Decapitation. Donc, c'est un peu les rockstars death metal de la cause animale. C'est quand même un gros groupe maintenant, je trouve. Et tous leurs textes, tous les albums tournent toujours autour des conditions d'exploitation des animaux par l'homme. Et c'est un groupe qui a vraiment à cœur de dénoncer ça. Donc on va écouter le morceau Pacific Grim, issu de l'album The Anthropocene Extinction. C'était sorti en 2015 chez Metal Blade. Your lake, and the fire you have attacked, or the fucking rate to will. Et voilà, magnifique fade-out. Hein, c'est... Voilà, c'est ça, qui dure un peu longtemps, qui nous a surpris. Qui a surpris notre ingénieur radio. Donc ouais, à l'instant, c'est... C'est pas moi qui ai censuré, hein, il reste une minute. Ouais, à l'instant, c'était Cattle Decapitation, gros groupe. Bon, c'était plutôt cool, le son est plutôt ultra propre. Ultra trios. Ouais, voilà, c'était quand même un peu incontournable. En tout cas, moi, je trouvais ça incontournable dans cette émission... Je le rappelle, spécial chanson engagée pour la cause animale. Voilà. Ok, moi j'ai passé deux autres morceaux derrière. Ça va être un petit peu moins métal, voire pas du tout. Le premier, ce sera les Fossoyeurs Sceptiques. Bah ouais, j'ai pas beaucoup passé de bourrin, mais c'est pas grave, ça change. Fossoyeurs Sceptiques, j'ai absolument rien noté sur mes notes, mais ça va que je sais ce que c'est. C'est un groupe folk punk de Lille, donc du nord de la France, qui existe depuis quelques années. Ils ont sorti deux albums. Groupe toujours activiste, avec des membres notamment de la société La Mauvaise Haleine. Voilà, bon, je peux pas en dire beaucoup plus, mais c'est déjà pas mal. Le titre, c'est ALF, donc Animal Liberation Front. Voilà, donc la lutte pour la libération animale en Angleterre notamment. Et le titre d'après, ça sera Prince Ringard. J'ai déjà dû en passer quand ils avaient joué dans le coin il y a quelques années, je crois. Les dernières, je crois que j'en ai passé, mais j'ai pas retrouvé, du coup je dis, oh, c'est pas grave. Le titre, c'est Le Chien du Punk à Chien. Alors, c'est pas forcément un titre forcément pour la libération animale, mais c'est quand même sur la condition en tant que telle du chien avec le punk à chien. Et voilà, c'est très très bien. Donc, Prince Ringard, un duo mixte de Bretagne qui fait de l'anarcho-punk folk. Très sympa aussi, très très très très très très très, très engagé. Voilà, donc Les Fossoyeurs Sceptiques et après Prince Ringard. Animal. voix, la cagoule sur ma tête, la lutte par l'action directe. Alors ils ouvrent les cages, et ils s'abonnent et ils saccagent. Ils contrôlent la tolérable, ils lèvent pour des libérations animales. Alors ils ouvrent les cages, et ils s'abonnent et ils saccagent. Ils luttent contre la tolérable, ils lèvent pour des libérations animales. Sur mon sort, je suis un chien, une nature morte. Mon boss me cogne toujours encore. Mon punk écluse sa dernière bière. Je suis foutu, j'ai le cœur qui lâche. Je regarde mon sang qui coule par terre pendant que l'autre con gueule mort aux vaches. Mon punk écluse sa dernière bière. Je suis foutu, j'ai le cœur qui lâche. Je regarde mon sang qui coule par terre pendant que l'autre con gueule mort aux vaches. Un chien est mort au festival, c'était sûrement le prix du sang. Un autre chien pour le carnaval, pour compléter le déguisement. Je suis le chien du punk à chien, à coups de Rangers dans ma gueule. Je suis le chien du punk à chien, et bien souvent je me sens seul. Je suis le chien du punk à chien, de Rangers dans ma gueule. Je suis le chien du punk à chien, et bien souvent je me sens seul. Un chien est mort au festival, c'était sûrement le prix du sang. Un autre chien pour le carnaval, pour compléter le déguisement. Je suis le chien du punk à chien, à coups de Rangers dans ma gueule. Je suis le chien du punk à chien, et bien souvent je me sens seul. Yep, donc à l'instant, on vient de s'écouter les excellents Prince Ringard. Donc eux, par contre, ils sont toujours sur la route, ils sont en tournée en permanence. Tu peux les inviter dans ta cave, dans ton bar ou dans ton squat préféré, ils viendront avec grand plaisir. Et juste avant, les Fossoyeurs Sceptiques de Lille. Voilà, à vous Paris. Ah bah c'est à moi. Ouais. C'est à moi. Ah. J'ai dit qu'on mettait quoi? Ah oui, on va mettre Igor. Du coup, parce que maintenant, depuis la dernière fois, on a passé où j'ai failli faire une crise d'angoisse. Et je m'y suis mis un petit peu. J'y ai mis mes collègues de travail. Ils passent, tu vois. Oh là là. Tu viens maintenant, tes collègues de travail. Bah, parce qu'ils sont sympas. Ils subissent. Bah, et puis, quand t'as un collègue de travail qui écoute Igor, mais genre un jour sur deux, c'est quand même assez surprenant. Je veux dire, il n'y a pas grand monde qui peut s'en vanter. Non, c'est vrai. Voilà, ça me fait toujours marrer quand. Ouais, je suis en train d'imprimer des trucs et puis j'entends Igor au loin. Ça, c'est des bonnes conditions de travail. Ouais. Et ça m'est arrivé aussi dans la rue à Épinal. Ça, j'aurais jamais cru non plus. Hein. Vraiment. Mais le groupe commence à avoir son petit succès en fait. Mmh. Hein. Ils ont fait une sacrée tournée dans toute la France. Du coup, je pense que tous les métalleux les ont vus. Et puis comme ils sont passés dans Trax. Ouais, ah, il y a peut-être ça aussi. Trax, ouais. Il y a un peu avec Igor et. Monsieur Marcaille. Ah, Monsieur Marcaille qui vient d'être. Qui va jouer à l'Obscène Extrême l'année prochaine. Enfin bref. Donc voilà, ouais, Igor, c'est bizarre, mais bon, et ils ont ce morceau qui s'appelle Houmous. Donc ouais. Que, voilà, le houmous c'est cool en fait quand. Dit-il la bouche pleine de houmous, justement. Ah, la transition est excellente. c'est toujours bien pour une alternative à la yande. Ah, ils ont un morceau qui s'appelle Viande aussi, mais il est moins bien. Alors du coup, j'ai trouvé une autre approche. Et juste après ça, on va s'écouter Propagandi. Autant le dire tout de suite, c'est pas non plus quelque chose que j'écoute régulièrement, mais c'est. C'est quoi le titre? Justement, en difficulté volontairement. Merci, mais je vais te le dire, je le sais. Je il est long, il est long. Juste... Ah, il se trompe dans son mot de passe de téléphone. Et... ça s'appelle Nailing Descartes to the Wall. Donc accrocher des cartes avec un clou dans un mur. Et j'ai traduit les paroles de ce morceau-là parce que je voulais le passer aussi. Mm-hmm. Et il est très très bien. Mais oui, très, mais très bon morceau, c'est vachement bien. J'imagine que la référence à Descartes, c'est qu'il disait que les animaux sont des machines, c'est ça? Il me semble que c'est dans sa philosophie. Oui, il y a un truc comme ça. C'est ça, tout à fait. Et d'où la référence. Il me semble. Ceci est une émission culturelle. Oui, c'est cool d'avoir un mec qui. On n'a pas vraiment les tenants, les aboutissants de ce qu'on raconte, mais. Bah, pas toujours, mais il me semble que c'est ça, parce que. Bah, y a des moments où on a fait moins raffiné quand ça même. Ça m'intrigue. Hein, mais voilà, du coup, Propagandi, ouais, qui. Bon, c'est vachement mélo quand même, donc ça, c'est vrai que j'ai un peu de mal, mais ça a toujours été super engagé, puis assez cool. Ça cherche à écrire des textes un peu plus poussés, musicalement aussi. Ça, bah, pour un style punk rock mélo, c'est l'un des rares groupes qui est vraiment. Ultra politisé, quoi. Oui, mais quand tu rentres dans cette scène, il y en a à faire gérer. Ah oui, c'est pas un critère d'entrée. Non, mais je veux c'est dire, plus, quand t'as 16 ans, t'écoutes du punk rock, tu tombes là-dessus et direct, ça te met dans un truc quand même qui te met d'accord, quoi. Exactement. T'adhères ou t'adhères pas, quoi. Ouais. Voilà, bah du coup, on va. Salut Marcus, ça va? On l'a perdu, là, pendant un instant. Et du coup, on va s'écouter. Toujours, on parle trop. Et problème dit juste après. We'll be right back. stop consuming animals. I see the sign when it's recognized, the border between reason and sanity. I consider it a measure of my humanity to be written off by the living graves of a billion murdered lives. And I'm not ashamed of my recurring dreams about being a gun and a different species of carnage thrown about the stockyards and factories of farm. Still I know as well as anyone, it does less good than harm. To be honest with our conscience, feed my lies. You cannot deny that meat is still murder, dairy is still rape. And I am still as stupid as anyone, but I know my mistakes. And I have recognized one form of oppression, now I recognize the rest. Life's too short to make others shorter. Et voilà, c'était très court et c'était Propagandhi à l'instant. Vous êtes toujours dans Memento Mori sur Radio Kemozo, 107.bar, comme disait un philosophe incompris. juste après, on va écouter un petit peu plus bourrin, un petit peu plus métal. Deux groupes avec deux chansons qui parlent toutes les deux de la vivisection. D'abord Gride, groupe power violence, hardcore, grindcore tchèque. Bien bourrin, bien rapide et très très très cool. Bien influencé par Prasragar. Hein. Ouais, c'est ça. Et juste après, Drop Dead, groupe que je vais pas présenter. Alors, Gride, le titre ça s'appelle Club Pratel Vivisexé et c'est issu d'une compile tchèque qui s'appelle Eco Défense en deux, en tout cas, sa deuxième compile qui s'appelle comme ça, où il y a que des morceaux pro écologie, pro animal, cause animale, etc., etc. Et Drop Dead qui ont fait pas mal de morceaux sur la cause aussi. Le morceau là c'est Unjustified Murder, donc qui condamne la vivisection autant sur le plan éthique que sur le plan scientifique, parce que c'est complètement inefficace et comme ils le disent dans le refrain, c'est une espèce de fraude scientifique en fait cette pratique. Voilà, donc Gride et Drop Dead. Thank you. Et voilà, à l'instant, c'était Drop Dead et juste avant Gride, avec qui ont tous les deux joué donc des chansons anti-vivisection. Ouais, et puis les deux jouent toujours aussi. Ouais, ouais, les deux groupes quand même. Hein. Drop Dead aussi. Ils font quelques apparitions quand même de temps à autre. Ouais, c'est, oui, c'est, ils sont plus rares, mais. Ouais, mais Gride, c'est ouais, Gride américain, joue toujours en live, c'est vraiment. Ouais, c'est plutôt pas mal, hein. Ouais, ouais, carrément. Et Drop Dead, bon, bah, c'est. Gride, y a pas des liens avec le Playfast? Non, il y avait pas des gens dedans. Peut-être. J'avoue que je sais pas du tout qui est derrière le Playfast, donc tu me poses une colle. Il y avait du Lycanthropy et puis du. Il me semblait qu'il y avait. C'est tout le groupe tchèque dont j'oublie le nom évidemment maintenant. Enfin bref, je sais pas. Ouais, voilà, c'est ça. Ou n'en parlons plus. En tout cas, je l'ignore. Voilà. D'accord. Bon, alors moi je vais faire un petit peu de poésie derrière. On va s'écouter Battle of Disarm. C'est un groupe japonais formé en 1989, donc voilà, l'essor du crust. Ça fait partie du premier groupe à sortir un petit peu derrière après Disclose et compagnie, donc c'était un petit peu compliqué de réussir à faire un truc qui un peu original. Pour le coup, c'est pas ce qu'ils ont fait, mais ça marche totalement. Donc il y a deux titres, Anti-Vivisection, un Split 7 avec Mass Control, et Four Animals, un EP qui s'intitule In the War. En fait, tous les albums qu'ils ont fait parlent de la cause animale. En fait, je sais pas, j'ai une chier de split, une chier de démo, et tout est lié à ça. Et visiblement, le petit problème qui a fait un petit peu débat, c'est que le chanteur faisait de la vente en fait d'insectes par courrier ou par internet, enfin je sais pas trop quoi, du coup au Japon quoi. Donc c'était un petit peu drôle, sachant que tout le groupe était lié quand même à la libération animale, et lui faisait du trafic d'insectes. Moi j'ai lu ça sur internet, hein, donc après est-ce vrai ou pas, mais en tout cas ça m'a fait doucement sourire. Voilà, donc on s'écoute ça, donc c'est du Japcore, ça va droit au but, il y a de la réverb, c'est dégueulasse, c'est très très bien. Cool. Self-assault is a crime. cause it's unlimited. Till the truth forever. Only thing that's a lie. Face the fight, feeling limited, cause it's unlimited. Voilà, c'était de la batterie à l'envers de Battle of Disarm. Je tiens à m'excuser auprès des auditeurs auditrices sur ma description qui était un petit peu faussée. C'était un groupe totalement propre, il n'y avait pas de reverb. voilà, non, donc j'ai vendu ça de façon un petit peu trop négative, alors que abusive. Finalement c'était tout à fait. Ouais. Ouais. Pas négative, abusive. Oui, voilà. Oui, oui, c'est négatif, en fait, c'est moi. Ça dépend. Oui, voilà, parce qu'on aime bien le côté sale, donc c'est pas forcément négatif pour nous. Signalons aussi la découpe naturelle de cette expression. Oui, oui, ils l'ont pas entendu, les gens ne l'ont pas entendu, mais. Ouais. Écoutez, hein. Non, mais c'était parfait. C'était parfait. Bon, bah, je suis ravi d'avoir, de vous avoir rendu heureux. Ah, ça me fait plaisir. Alors, heureux. Enfin, bref. Du coup, on va faire un bug Dodos. Mais genre Dodos un peu connu. Parce que, voilà, au-delà des groupes obscurs. Je sais ce que tu vas passer. Qui en passe et tout. Il y a aussi des groupes qui sont de notoriété vachement plus élevée. Et qui apporte ce sujet-là aussi, donc voilà, ce qui est cool quand même. Enfin, tu vois, généralement, plus tu montes un peu dans la notoriété, moins t'en as, et là, finalement, il y en a quand même, voire même de plus en plus. Du coup, on va commencer par Sepultura, ça va être bien, voilà. Du coup, avec leur... ça t'arrange pas, Marcus, c'est ça? On peut très bien commencer par Gojira, si tu veux. Allez, Sepultura, je l'ai dit maintenant, je ne reviens pas en arrière. Avec une parole. Oui, c'est ça. Et donc oui, du coup, Sepultura sur leur album Dante 21. Donc c'était un des premiers avec Derek Green, le nouveau chanteur là, l'espèce de masse incroyable qui joue avec un t-shirt CrossFit, qui a des muscles qui dépassent de partout et qui est végétarien depuis super longtemps et du coup qui a fait un morceau qui en parle. Même dans le clip, ils sont à moitié en animaux, tout ça. Enfin, c'est assez explicite. Et juste après, on va s'écouter Gojira, hein, Cocorico en gros français, s'il vous plaît. Et qui, sur leur dernier album, ont sorti un morceau qui parle justement de la cause animale. Voilà, ça fait... bon, ils étaient déjà très engagés, notamment avec Sea Shepherd, depuis quasiment les débuts. Hein. De toute façon, leur délire sur les baleines, c'est vraiment déjà depuis les... Enfin, peut-être pas le tout premier album, mais bon, voilà, c'est au moins le premier connu. Et donc, ouais, dans le dernier, là, ils ont fait un morceau plus explicite. We'll be right back. Et c'était Gojira à l'instant, dans Memento Mori toujours. Dont on disait extrêmement beaucoup de mal hors antenne. Et pas que. Toi, un peu quand même. Toi, tu disais beaucoup de mal, ouais, moi j'en disais pas beaucoup. Tu relativisais, on va dire. Oui, mais t'as pas tort. Mais bah, c'est, bon, voilà. J'ai envie de te lire souvent, mais ça, c'est une chose. Non, mais ouais, on disait quand même que, pour, parce que. Je pense que clairement aujourd'hui, c'est quand même le groupe français le plus connu. En tout cas, dans ce. En métal, oui. Ouais, ça, bah, y a peu de groupes de toute façon qui sont à ce niveau-là. Quoi. Et du coup, ça fait quand même encore un groupe avec des opinions politiques voilà, qui se mettent dans des morceaux. Oui, et oui, tout, puis c'est pas mal joué non plus. Donc, oui, non, puis en voilà. plus, ça, enfin, je veux dire, c'est, moi, je pars toujours du principe que Gojira, c'est pas usurpé. Ouais, c'est ça. C'est, ouais, non, c'est vrai. Ultra bien, les mecs ont vraiment bossé à fond. Voilà, c'est oui, cool, puis quoi. Ils jouent un truc un peu écoutable par le plus grand nombre aussi. Donc voilà, c'est aussi pour ça que je m'y retrouve moins aussi. Quoi. Oui, après le plus grand nombre, c'est. Enfin, vrai, oui, des métalleux, voilà, moi, oui, mais c'est ça, voilà. Exactement. On parle à l'intérieur de la scène. Enfin, bref. On va s'écouter d'autres trucs toujours sur la cause animale. Tout d'abord, Red Insect, c'est un groupe tchèque qui joue du cross-punk avec des textes ultra anarchistes. Et le morceau là vient aussi de la compile Echo Defense dont j'ai parlé tout à l'heure. Alors là, c'est le sixième volume sorti en 2010. Donc, compile qui rassemble plein de morceaux pour la cause animale, mais aussi l'écologie, la nature, etc. Et donc, ce morceau s'appelle Boycott. Et les paroles, en fait, prônent le boycott comme boycott, du coup, en tout cas, des produits d'origine animale comme un moyen de lutte. Contre la manière dont sont traités les animaux. Et juste après ça, on va écouter un autre groupe très très politisé, c'est Punch, groupe ultra engagé socialement, ils sont féministes, ils sont véganes, et le morceau qu'on va écouter, c'est Feminist Don't Have a Cow. Et c'est un morceau que j'aime beaucoup, notamment au niveau de ses paroles. Morceau antispéciste qui nous rappelle un peu que, en fait, les luttes sociales et les luttes pour la cause animale sont en fait très liées. Et que finalement, c'est illogique de lutter pour plus de justice uniquement pour les humains en oubliant les animaux. Et que donc, toutes ces luttes vont de pair, en fait. Et voilà, moi, j'aime bien ce texte. Donc, tout de suite, c'est Red Insect et ensuite Punch. Boycott! Boycott! Boycott! Boycott! Boycott! Boycott! Boycott! Boycott! Boycott! Boycott! Boycott! Boycott! Boycott! Boycott! Boycott! Boycott! Boycott! Boycott! Boycott! Boycott! Boycott! Boycott! Boycott! Boycott! Boycott! Boycott! Boycott! Boycott! Boycott! Boycott! Boycott! Boycott! Boycott! Boycott! Boycott! Boycott! Boycott! Boycott! Boycott! Boycott! Boycott! Boycott! Boycott! Boycott! Boycott! Boycott! Boycott! Boycott! Boycott! Boycott! Boycott! Boycott! Boycott! Boycott! Boycott! Boycott! Boycott! Boycott! Boycott! Boycott! Boycott! Boycott! Boycott! Boycott! Boycott! Boycott! Boycott! Boycott! Boycott! Boycott! Boycott! Boycott! Boycott! Boycott! Boycott! Boyc vive le Larsen. Larsen, c'est trop cool. C'était Punch avec le morceau Féministe, Don't Take the Cow. Et juste avant, c'était Red Insect, un groupe tchèque, avec le morceau Boycott. Très bien. Ouais. Un chouette moment. Ouais, cool. Hein. Bah, Punch, bon. Ça a toujours été. Ouais, Punch, c'est quand même cool. Hein. Oui, donc, oui, je sais pas d'ailleurs si ça joue toujours, ça. T'as checké un peu du coup Non. Non, j'ai 2-3 albums qui tournent un peu en boucle. Ah oui, non, j'ai pas trop suivi. J'ai découvert ça, j'ai adoré. Ouais, j'ai pas trop suivi leur actualité. Moi, le morceau là, c'était issu de leur premier. En tout cas, de l'album éponyme qui est sorti en 2009. Donc Punch, voilà. Ouais, ouais. Non, bah, ils font un style qui influence quand même plein de jeunes groupes. Ouais. Sort de hardcore tendu comme ça à blinde avec des passages un peu ultra efficaces, à la voix féminine qui est géniale, et puis les textes sont toujours super super cool. Donc bah il y a Mental Distress qui est de Strasbourg qui fait un style un petit peu similaire quoi. Ouais, ça me fait penser. Il a un petit peu, voilà, c'est un peu différent, mais ils ont un style quand même avec des paroles très engagées. Ouais, et puis c'est difficile de pas être influencé par un groupe de cette stature là aussi, hein, c'est compréhensible. Donc voilà. Ouais. Alors moi je vais mettre un truc totalement pop, c'est The Smiths, c'est un groupe des années 80 anglais. Ce jour est arrivé, c'est le moment, je suis pas le seul à mettre de la pop. Et là, ouais bah c'est de la pop un peu, ouais rock, voilà, ça reste très très calme quoi. C'est un morceau assez long, donc prenez le temps de vous poser doucement dans votre canapé, détendez-vous, coupez des carottes. Il y a Steph Deviance qui vient de changer de radio là. Non mais c'est un groupe extrêmement connu même pour la scène quand même punk. Hein. J'ai découvert ça, c'est un mec au taf qui me dit ah mais toi, enfin c'est vrai que j'étais végétarien punk, il me dit écoute The Smiths machin, vachement bien. Puis en fait ouais, enfin il y a plein de gens qui connaissent, on en parle autour, tu vois, c'est un truc, enfin surtout le titre donc Meat Is Murder, c'est ça doit être l'un des premiers je pense à avoir appelé. Le terme là quoi, viande c'est de la meurtre, c'est la viande est un meurtre. Voilà, donc on va s'écouter ça, The Smiths. This is murder. we are kind. It's sizzling blood and the unholy stench of murder. It's not natural, mother or kind. The flesh you so fancifully fry, the meat in your mouth as you savor the flavor of murder. Donc à l'instant on vient de s'écouter le très bon morceau Meat is Murder du groupe The Smiths, donc voilà, un groupe des années 80 anglais. Voilà. C'était, bon, c'est bien. Ouais, carrément, j'aime bien, c'est pas un truc que j'écoute régulièrement, mais là ça se prêtait totalement, c'est le premier groupe qui est apparu dans ma liste. Ah bah voilà. Donc comme quoi. Hein. Ouais, non, bah après le... Voilà, c'est l'heure de l'agenda concert. Ouais, hein. Il est quasiment 21h, donc je pense qu'on peut dire que c'est l'agenda concert. Voilà, c'est l'agenda concert du lendemain de cuite. Hein. C'est clairement, ça va être ça la thématique. Pas malin, mais c'est pas grave. Bah, pas très en forme. Moi, je fais une petite sieste d'une heure cet après-midi, ça n'a pas suffi. Alors, on va passer toutes les soirées Halloween qu'il y avait absolument dans tous les bars hier. Chaque. On arrive à ce soir, ça c'est dommage. Sous Grienne, c'est trop loin. C'est à Strasbourg, c'est trop loin. Non, du coup, on commence avec. Il y a une soirée Dark Electro Wave, Goth, tout ça. Je pense que c'est sûrement Marilène qui fait pression pour que Stéphane le mette ça dans l'agenda de son site. Mais il aime beaucoup ça aussi, t'inquiète pas. Oui, mais c'est la chef. Il l'assume pas. On le sait bien. Et tout ça, c'est le 3 novembre à la Maison Bleue à Strasbourg. Ensuite, il y a les Rats qui jouent au Tannery le dimanche 4 novembre avec All Star Shit Experience. C'est du cover punk and more de Dijon. Eh ben, ouais, c'est un groupe de reprise punk des gens de Maloka. D'accord. Et Krakenstein du horror punk rock. Bah oui, merci. Sans doutez pas. C'est ça, aucun indice. Et voilà, tout ça, c'est au Tannery à Dijon, donc le 4 novembre. Il y a Agnostic Front pour ceux qui voudraient faire la bagarre qui passe chez Paulette le lundi 5 novembre. On en passera un petit morceau tout à l'heure parce qu'on a eu. Bah, en même temps, quand tu cherches Libération Animale sur YouTube, tu tombes vite sur Los Fastidios. Du coup, on a fait la même chose avec Mathieu et on a fini par noter le même morceau, les deux. Oui, c'est bizarre, hein. C'est fou. Hein. Et donc, voilà, et Los Fastidios qui passe à Mirecourt le mercredi 7 novembre avec Comptoir KO. Voilà, et c'est... du coup, bon, non, j'en parlerai après quand on présentera le morceau, sinon. De quoi, bon, Los Fastidios. Ils faisaient du trafic d'insectes ? Non, rien à voir. Non, mais là, du coup, je regardais un peu leur listing de date 2018. C'est incroyable. ils jouent absolument tout le temps. Genre l'été, ils ont quasiment 2 mois non-stop. Là, ils rentrent de tournée au Mexique. Direct, ils rembrayent sur une tournée là, en Europe. Enfin, c'est absolument incroyable. Très impressionnant. Hein. Puis ça fait des années que ça dure. Quoi. C'est chouette. Je voulais juste voilà. Bah, excellent. Une petite note. Mm-hmm. On a une très très belle affiche de Dirt to Dust. On ne le présente plus. Hein. Et Président Routine du Punk Rock de Nancy qui joue au Royal le jeudi 8 novembre. Et l'affiche est assez... Peut-être que Fabien sera là. Oh, sûrement. Et ouais, l'affiche est très jolie. Je sais pas qui c'est qui a fait ça, mais c'est vraiment pas mal. Il y a Tagada Jones et No One Is Innocent et 1984 qui passent le jeudi 8 novembre, bah, c'est le même soir, à l'autre canal. Ça, c'est bien joué. De faire oui, une petite erreur, je crois, de programmation. Donc, c'est risqué. Voilà. Enfin, c'est risqué pour Tagada Jones. Il n'y aura personne, du coup. Tout le monde sera au Royal. Je comprends. Le dimanche 11 novembre, il y a Sick of It All qui passe au Nouma Trou, Fabulous. Hein. Je sais même classique. Pas. Classique. Je sais pas pourquoi je précise Nouma Trou, Fabulous. Mais bah, toujours aussi cool. Hein. Ils sortent un nouvel album d'ailleurs. Je pense que j'en passerai sûrement la prochaine. Voilà, c'est le dimanche 11 novembre donc, avec les Vandales. Oui. Tu vois ce que c'est, Mathieu? Tout à fait. Vandales, que le mec groupe de punk hardcore oui. 2012. Voilà. Qui a mis des stickers partout, absolument. Ouais, tu pourrais le... C'est un peu le petit poussé, mais avec des stickers. Ça marche. on continue avec Moyen. Enfin, le moyen à la ville. Le samedi 17 novembre, du coup, il y a Jinx, Out of Order, ROH, Pauvre Z, Lucky Loser et Carmen Colère. C'est un peu de piment qui organise ça. Et voilà, c'est moyen, c'est pas loin des Vosges. Si... Ouais, c'est entre les Vosges Et la Meurthe-et-Moselle. Ouais. Voilà. Pour dans les coins de Revolution, c'est quoi là-haut. La gloire du punk rock messin. Alors, c'est fou parce que sur l'affiche que moi j'avais vue, c'était PKRK au-dessus et Hystérie Collective en dessous. Et là, celle que je vois, c'est l'inverse. Alors, je sais pas, c'est peut-être Pat qui l'a faite, celle-là, et puis il s'est mis en avant. Donc, du coup, il y a PKRK qui joue avec Hystérie Collective au bar L'Estaminet à Vanier le samedi 17 novembre. Ça, ça va être oui, très très cool. Oui, hein. J'espère que je pourrai y aller. C'est bon, PKRK quand même, c'est très solide. À Metz, il y a les Shérifs qui passent avec Charge 69 et les Washington Dead Cats. Donc, je fais quand même. Ah, puis il y a marqué Gloire Locale en plus. En plus, c'est eux qui bouclent la date. Hein. Il y a Combat Rock dans le truc. Oui. Ils ont honte de rien, quoi. Tu vois. Gloire Locale, c'est nous, quoi. C'est ça, je suis bon. Ah, c'est les bouffons, c'est comme ça. Voilà, écoute. Hein. Et je sais qu'il y a Napalm Death qui fait un petit passage en France, là. Mmh. Avec notamment un passage au Trinitaire avec Blockheads. Et, là, sur le flyer, il n'y a que ça de noté. Hein. Ah, pas de première, coup, non, c'est, c'est avec Worst Nation à Dijon. À Dijon, oui, voilà. C'est ça. Et c'est le lendemain ou 2 jours après un truc. Lendemain, le vendredi. Ouais. D'accord. Et là, voilà, du coup, c'est le. Non, c'est alors. Bah, bref. Là, c'est mercredi 21 novembre à Metz. Donc, il y en a plein de Les Blockheads. Grosse affiche grindcore. Ouais. Alors, dans le son dégueulasse des Trinitaires, ça va être super, je pense. C'est... Voilà, déjà que pour du post-hardcore, c'était vraiment pas facile, alors avec du grind, je pense que ça va être... Non mais Shenbury, il met tout à Burn et ça roule. Hein. Et c'est nul. Ok, ouais. Voilà, il met tout à Burn, sauf les cheveux. Le jeudi 22 novembre, à la Oof House à Nancy, il y a Lego, Smoke et Old Rotten Bastard qui jouent. Voilà, donc c'est du punk rock, du punk mixte. Oui. Il y a un concert aussi ce soir à la Oof House. Oui, mais je sais plus c'est quoi. C'est un groupe de trash de Montpellier et un groupe de Nancy. Je sais pas c'est quoi. Voilà. Eh ben, c'est de toute façon, comme vous êtes en train de nous écouter, vous y êtes pas. Voilà. Voilà. Globalement, de toute façon, avec des infos pareilles, je sais pas si tu vas vraiment. Et puis 21h, ça finit pas tard là-haut, je pense. Donc, c'est vite plié. Voilà. Ah, on arrive au 23 novembre au Tannery à Dijon, donc Napalm Death, Worst Nation et Blockheads. Solide comme affiche, quoi. Grosse affiche grind. Ouais, quand même, hein. Tu m'étonnes. Je pense qu'en termes d'affiche grind, tu peux pas faire beaucoup plus. Non, non, non. Tu peux toujours. On peut mettre autre chose à la place de Napalm Death, mais. Oui, mais je veux dire en termes de notoriété. Allez, oui, oui, non, non, ça. C'est sûr. C'est un peu la crème du grind français, là. La crème de la crème. Exactement. Il manque une mate. Ah, ah non. Ensuite, il y a l'anniversaire de Géranium, ah, où oui. On ne joue pas d'ailleurs. Mmh. Voilà. Faut que j'en parle. D'accord, bon, on va pas parler des raisons. un petit bisou à Fabien de Géranium, d'ailleurs, au passage, qui nous écoute en coupant des légumes dans son café associatif dans le sud de la France. Ah, ça fait plaisir. Ah. Ouais, c'est cool. Et donc, du coup, c'est les 10 ans de Géranium. Et donc, ouais, ils font un gros festoche au Diamant d'Or à Strasbourg le 24 novembre. Du coup, il y a Worst Nation, Matraque Attack. Il y a Matraque Attack. Est-ce que ça va jouer? On ne sait pas. Suspense, il faut y être pour savoir. Alors, il y avait d'ailleurs le chanteur de Matraque Attack hier au concert. Vous avez discuté un peu? Oh, on a fait des blagues, oui. Le pauvre, je le plaindrais presque. Et la légende dit que tous les portails de Nancy se sont cachés derrière des murs. Donc du coup, il y a 9-11 aussi, Potence, Acidie et Agonir. Plus, à mon avis, pas mal d'After et tout le bazar. C'est un peu le DCT bis, en fait, l'anniversaire de Géranium, finalement. Et donc, ouais, tout ça le 24 novembre. Qu'est-ce qu'on... Oh, on va peut-être aller au bout, puis on mettra Los Fastidios après. Oui, il ne reste plus grand-chose. Il y a Reviens qui arrête de jouer. Mais après, est-ce qu'ils vont revenir? Ah ouais. Je ne sais pas. Alors du coup, c'est leur concert d'adieu. Ils ont fait ça exprès pour toi, en fait. C'est ça. Ils ont dit, Mitch, fais l'agenda de concert. Ah, il faut qu'on fasse une tournée d'adieu. Et du coup, ça se passe le vendredi 30 novembre au Rifter à Nancy, avec Aya, c'est du post-rock de Nancy, et Platypus DI, c'est du rock prog de Nancy aussi. Super affiche. Voilà. Et du coup, bah, c'est tout pour... ce sera tout, parce que après, ça sera pour la prochaine. Voilà. Ouais, du coup, s'il y a des autres trucs locaux à noter. Peut-être, mais après, ouais, peut-être regarder après dans, chez Narcisse, il doit bien avoir quelques trucs quand même à cette période. Oui, mais après, il n'y a plus des trucs festifs pour l'instant, là, des dates qui arrivent. Donc, Je sais pas, Marcus, des dates sur le grattoir, des trucs comme ça, t'as pas d'agenda spécial là. J'ai pas suivi. T'as pas ça en tête. Et ben voilà, comme ça c'est fait. Voilà, c'est sûrement pas punk rock, sinon on va laisser peser. Bah, il y a des trucs de noise que fait Ghislain, je crois. Mais bon, après, c'est. Ouais, pas assez de crypte. Non, et puis j'ai pas trop les infos. Puis là, il est trop occupé à devenir mondialement connu avec sa petite vidéo. Il court dans la forêt en hurlant « Je ne suis pas une biche, je ne suis pas une biche ». Et ça... Allez, regardez tout ça. Ça m'intéresse. Ça. Bah écoute, figure-toi, c'est vraiment en train de monter. Ces petites conneries comme ça, ils en sont à plus d'un million de vues. C'est passé sur France 3, là, il y a pas si longtemps que ça, sur un sujet chasse et tout. On n'a pas de chanson anti-chasseur, tiens. Enfin, moi, en tout cas, j'en ai pas prévu. On aurait pu. Celle de conflict, oui, ça va pas. Bon, on aurait très bien après. Bon, il y a des pneus pour crever. Enfin, des couteaux pour crever les pneus. Pour ça, il n'y a pas besoin de chanson. Voilà. Qu'est-ce que je veux dire ? On va s'écouter Los Fastidios du coup avec un morceau explicite qui s'appelle Animal Liberation. Oui. Gros. C'est trop tard, c'est pas grave. Ah, ouais, voilà, alors, donc album Guardo Avanti en 2001, donc ça date un petit peu quoi. Et Los Fastidios formé en 1991. Oh putain. Donc c'est quand même ultra vieux. Le chanteur, c'est le seul d'origine. Oui. Ok. Donc c'est qui tient la baraque. Non, mais c'est vrai que c'est une baraque en même temps. Et il me semble que du coup, juste après, on s'écoutera X Repentance X, un groupe straight edge, mais aussi vegan, et du coup militant, avec le morceau Strug Eyes Unclouded. Voilà, ce sera juste après Los Fastidios qu'on écoute maintenant. Ammassati su quel camion! senza il minimo rispetto. Indifesi più indifesi, che sa già di andare a morte. Io vorrei sapere dove è scritto che per gli animali non esiste alcun diritto. Fight for animals, fight. Fight for animals, fight. Guardo in quegli occhi tristi chiusi dentro a quelle gabbie. Dopo a questa crudeltà piegheremo quelle sbarre. Esperimenti, più diritti agli animali. Apriremo quelle gabbie, vili ecocriminali. Animal liberation, animal liberation, animal liberation, wow. Basta i vostri esperimenti, più diritti agli animali. Apriremo quelle gabbie, vili ecocriminali. Animal liberation, animal liberation, animal liberation, wow. Yeah, à l'instant, c'était X, Repentance X, avec les X comme le groupe Straight Edge, mais pas également mal. Vegan. Ouais, c'était... Alors, je connaissais pas, c'est en cherchant, en faisant mes petites recherches sur les groupes vegan et militants pour la cause animale que je suis tombé là-dessus. Puis le morceau là, donc Through Eyes Unclouded, issu de l'album The Sickness of Eden, sorti en 2015. Eh ben, ça m'a bien parlé. Ouais, mais super. C'est pour ça que c'est bien d'avoir des thèmes. Ça permet de découvrir des trucs. Tu fais après, des petites recherches. Et... Là, heureusement qu'on a Internet pour les trucs comme ça. Parce qu'après, il faut regarder les pochettes de disques pour faire. Ouais, puis lire les paroles en tchèque. Je me mets toujours à la place des gens qui faisaient ça avant qu'ils se mode. Et du coup, tu te dis, bon, merde quoi. C'est... Ouais, mais là, c'était bien pratique. Et du coup, il y a 2-3 groupes comme ça là que j'ai passé, que j'ai découvert grâce à cette émission. Donc voilà. Et donc, juste avant, c'était Lost Fastidios. Oui. Voilà. Classique. La Oi. Ouais. Un peu trop ska même, plutôt. Ils font beaucoup de ska maintenant. La dernière fois que je les ai vus, c'était chiant comme la mort. Il y a du ska, la moitié du. Ah, baston de genre de groupe. Ah, yeah. Non, mais autant j'ai adoré à blinde, tu vois. Et puis ça tire un peu sur le punk hardcore, je trouve. Bon, bah là, ça va être très punk hardcore, hein, ce qui suit derrière. Donc, 4. Pardon. Contravene ou contravené, hein, comment, je ne sais pas. Dites-moi, c'est parce que c'est vous les spécialistes de l'accent. Moi, j'aurais dit contravené, moi, mais. Ouais. Moi, je connais pas, donc. C'est quoi, c'est anglais, non, touche. Non, c'est le truc, hein. Contravené, ça fait plutôt italien, tu vois. Oui. Parce qu'on contravène, voilà, rien à voir. Hein. Parce qu'on vient d'écouter Los Fastidios. Le titre, Inhumane Cage. Donc, c'est. Enfin, en tout cas, c'est un titre que je connaissais, leur discographie, tout ça, mais j'ai chopé ça en lien avec la compile Already Too Much Blood on Science Ends. C'est une compile sortie par le label marseillais Counteract Records. J'ai déjà passé de ces prods et visiblement il y a une partie de ses bénéfices, s'il en a, en tout cas c'est pas toujours évident, qui revont sûrement une cause animale dans le secteur du sud là. Voilà, donc c'est une compile CD avec quasiment que du crust, moi j'aime bien. Voilà, donc le titre là m'a plu. Et puis j'ai essayé de trouver justement un titre qui parlait vraiment de ça, parce qu'il y avait genre du Fleas and Lice, mais ça n'avait rien à voir avec des paroles liées à la thématique. Juste après, c'est un petit plaisir perso. Ça, on va s'écouter Killjoy, donc un groupe des années. Gloire locale. Oh, bah écoute, on peut dire ça. Ah, aussi, gloire locale. Une petite gloire. On a le droit, apparemment. Tu vois. Voilà, donc fin 2000, le CD sorti en 2009, donc le titre Libération. Ah bah c'était Killjoy. Oui, tout à fait. Ah, à la grande époque. Le petit plaisir. Ça fait du bien. Voilà. Toujours décédé d'ailleurs, c'est intéressant. On les donne, il n'y a pas de problème. Voilà, et juste avant, Contravene, groupe qui n'existe plus. Donc il est aussi très bien. Mais je voudrais pas te dire de bêtises, mais on n'avait pas quand même vendu un disque de Killjoy à un concert au KKO il y a un ou deux ans, grand max. Ah non, mais Mitch, ça part de temps à autre, mais il faut prendre le temps, c'est tout. J'ai cru que le début de la phrase qui arrivait, c'est ça part comme des petits pains. Non, j'ai voulu dire. J'ai eu ça dans la tête qui est venue, et en fait, j'ai une connexion qui a fait non, dis pas de conneries, c'est pas ça. Des fois, les gens, ils veulent prendre le Doom Sister, ils se trompent, tu vois, du coup, ouais. Hop, ils se retrouvent avec un Killjoy. Et ils sont contents quand même, c'est ça. Ah, mais écoute. Mais bien sûr. Bah, j'en envoie ouais, dans les paquets des fois, je mets un petit truc. Bonus. Pour m'intéresser, c'est ça. Ouais. Le bonus qui fait pas plaisir. Ah, si tu le veux pas, tu le jettes. On va mettre un flyer plutôt. Oh la méchanceté. Non, il était bien en plus cet album là. Ok, bon bah allez. Oh, c'est moi. Bah, du coup, on va repasser un groupe avec Mathieu qui chante dedans. Ouais. Ça va être bien. Hein. Les deux seuls. Hein. Oui, c'est vrai. Bah, bon, on a pu mettre Narodichi, mais ouais, t'as jamais été enregistré le chant. Voilà, j'ai pas terminé plutôt. Donc, du coup, on va s'écouter Doom Sisters. Ah, c'est nous quand même, globalement. Avec un morceau qui s'appelle Libération Animale. Animal Liberation, parce qu'on était un peu italien à l'époque. Ah, d'accord. Top pour moi. Et on a mis exploitation. Non, c'est pas ça. Oui, je pense que t'as foutu dans le. Oh, je sais pas, c'était il y a longtemps, tu sais. Voilà, ouais. C'était pour envoyer au pressage. Ils s'en foutent. Oui, oui. Ouais. Et donc, voilà, issu de notre album qu'on a sorti en 2015. Non. Oui. Bah écoute, c'est toi qui mets les morceaux. Hein. Oui, mais c'est toi qui chante. Ouais, ouais. C'est toi qui gagne du groupe, Mathieu. Ah là là, ils ont pas leurs petites infos, là, ils sont perdus. C'est ça. C'est genre, il y a un groupe obscur républicain, il y a des lignes, et puis là, c'est nous, pas foutu de le savoir. Ouais. Et juste après, on va s'écouter Rise Against. C'est plutôt comme mélo. Hein. Ça tire vers l'hardcore, ça. Hardcore mélo. Ah, ouais, ça tire. Ouais, punk hardcore avec un peu de mélo. Voilà. Bon, non, pas mal de mélo. Un peu de hardcore. Ah, c'est le côté un peu propagandier, un peu plus hardcore. Quoi. Un peu moderne. Ouais, c'est ça. Mais qui, pareil, est vachement engagé politiquement. Donc, je sais même pas. J'ai appris ça aussi. Bon, après, j'écoute pas trop. J'ai lu un truc. J'ai appris ça. Qui sont quand même engagés. J'ai appris ça sur Slate en cherchant Black Metal Vegan Chief. Et puis voilà. J'ai une petite compil. Il y avait des morceaux de Napalm Death aussi. Oui, bon, on aurait pu mettre du Napalm Death. Mais bon, c'était de l'époque où Napalm c'était nul à chier. Du coup, voilà. Après, on en a passé du Napalm. Puis on en passe. Il y a peu. Bah oui, oui. Ah, je crois que t'en as passé. Oui, il me semblait en avoir passé. Oui, oui, oui. Dans la spéciale année 90. Ouais, tout à fait. Quand il commençait à faire du death, mais que c'était encore cool. Alors que là, non. Ouais, bon. Celui-là, il était vraiment pas bien. C'est vrai. Ouais. Je fais ah, oh, bah non. Quand t'as une longue carrière, des fois, tu peux pas être au top tout le temps. Ah, bah écoute. Enfin, on arrive, mais. Voilà. Oui. Ouais. Genre Killjoy par exemple, regarde, au début, à la fin, c'est pas pareil. Une carrière courte quand même, quoi, longue mais qui reste très courte. Intense. Oui. Ouais, allez, on y va, vos conneries. Ouais. Ils vont écouter Doom Sisters, c'est juste après Rise Against. Love has gone. Ah, qu'est-ce qu'on ferait pas pour la cause animale, hein. Bah, c'est du hardcore mélo, c'est clair, ça arrive pas souvent. C'est très, très mélo quand même. Hein. Ouais, ouais, très. Ouais, c'est pas ma cam. Moi non plus. Pourquoi tu l'as passé alors? Ah, moi je passe que les trucs mélo, ça se sait ça. Ah ouais? Y'a pas une noise, aujourd'hui. Non, non, non. Pourtant, ouais, j'hésitais à mettre, comment il s'appelle, Merzbo, justement, qui est vegan, ultra activiste et tout. Mais bon, je me suis dit que 10 minutes de noise, de harsh noise, ça allait achever à peu près tout le monde, en fait. Bah, donc, un lendemain de cuite comme ça, c'est chaud, hein. Ouais, même à jeun, c'est chaud, hein. Et puis, c'est pas très radiophonique, en fait. Puis ces morceaux sont super longs, alors moi j'adore, mais bon, on n'est pas. Voilà. Bref. Du coup, je passe d'autres trucs et puis je fais des découvertes. Donc, on va justement passer d'autres trucs comme Momentum, par exemple. Excellent petit groupe avec le mec de Follow Fefrafa, dont on parlait tout à l'heure avec Mathieu. Et le mec de Follow Fefrafa qui est vegan. Et dans son groupe Momentum, le véganisme, c'est vraiment le thème, en fait. Le concept, ouais, le concept du groupe. Qui axe tous ses artworks, ses paroles, le nom des chansons et tout. Tout est engagé cause animale. Donc on va écouter le morceau Spécisme. Donc, Spécisme. Pas besoin, je pense, d'expliquer ce que c'est. Issu de l'album Herbivore, sorti en 2013 chez les labels Halo of Flies et Alerta Antifascista. Et juste après, on va écouter une autre découverte que j'ai fait. Alors là, pour le coup, complètement par hasard, où je cherchais des trucs un peu black metal crust sur un blog, et puis je suis tombé sur un groupe russe que je connaissais pas du tout, et avec les tags Animal Liberation Nature. Donc j'ai écouté, puis c'est plutôt cool. C'est un peu black metal, un peu avec des passages post-black, un peu long. Enfin voilà, il y a des chansons de 12-18 minutes. Et rassurez-vous, on a coupé. Donc j'ai rajouté ça au dernier moment. Donc oui, voilà, j'ai été obligé de rogner dans le morceau pour tenir dans le temps imparti. Donc on va écouter un extrait uniquement du morceau. Mais bon, j'ai coupé l'intro et les passages post longuets. Très bien. À la fin, voilà. J'ai gardé le cœur du morceau. Ah, y a Marcus qui s'ouvre une bouteille de champagne. Donc voilà. Donc le groupe là, c'est Accidents, un groupe russe. Et on va écouter le morceau Haze, issu de The Last Cry of Nature. C'est sorti sous format cassette en 2018. Donc c'est du tout frais, tout récent. Et juste avant, on écoute Momentum. Don't defeat your world. talking about human beings here. It's never been proven their intelligence is... Oh, anyway. Come on, Bob. I don't know about you, but my compassion for someone is not limited to my estimate of their intelligence. We'll be right back. C'est voilà. Du black metal politiquement correct. Exactement. Excellent. C'est assez rare, mais c'est toujours cool quand on aime bien le black metal. Donc c'était Accidents, groupe russe, ouais, avec black metal chant féminin. Et puis du coup, j'ai regardé un peu, c'est des paroles pas mal sur la nature, un peu philosophique, et puis un peu de défense animale. Donc une belle découverte, encore une fois, pour cette émission-là. Et juste avant, c'était Momentum. C'était cool aussi. Ouais, carrément. Voilà. Donc là, ça va être un petit peu plus dansant, voire même carrément plus. Ça va être un petit duo féminin, Nina Hagen et Len Lovic. Je ne sais pas exactement comment ça se dit, hein, je ne connaissais pas trop avant. Le titre, c'est Don't Kill the Animals. Je pense qu'ils ont juste fait, elles ont juste fait une chanson ensemble là, pour ça. Quoi. Donc c'était sorti par la compile de soutien PETA à l'époque. Donc c'est les premières compiles rock. Qui parlait justement de défense animale. Donc c'est sorti en 87, l'année de ma naissance, donc c'est quand même un petit peu vieux quand même maintenant. On est né à la même année. Oui, tout à fait, Guillaume. Ouais. Voilà, donc on écoute ça, n'hésitez pas à danser, sortez les perruques et on y va, quoi. Thank you. Bon, je pense que le refrain, vous l'avez retenu, hein, donc « It's animal, the animal of free », on l'a dû entendre 25 fois. Ouh. Voilà. C'est un je peu fais plus dur à faire, mais... ça. Ouais. Ouh, pas ouais. mal. Ouais. On va avoir une voix un peu plus trash. On va peut-être mettre ça un peu dans Doom Sisters. Ouais. D'accord. À travailler. Ouais, réfléchissez-y. Voilà, donc même. C'était un vieux titre de Nina Hagen et Lena Lovitch, « Don't kill the animals ». Ouais, on enchaîne avec alors un titre qui n'est pas directement, pour le coup, lié avec notre thématique, que j'avais pas, à la base, j'avais pas forcément prévu de le passer, mais il traînait sur ma clé, puis comme Mitch avait plus trop de morceaux, donc on a le temps de le passer. Mais il y a quand même un lien, parce qu'on retrouve nouveau toujours notre chanteur, alors je crois que c'est chanteur, de Fall of Efrafa, qui est du coup toujours activiste vegan, et qui multiplie les groupes ultra cool, faut bien le dire. Et donc là, pour le coup, c'est archiviste. Donc ni dans les paroles, ni dans le titre du morceau, il y a de lien avec la cause animale. Mais c'est quand même cool, donc allez, on va passer quand même. C'est du post-hardcore, un peu comme presque tout ce qu'il fait maintenant. Et il y avait un très bon groupe aussi, Lightbearer. Ouais, c'est ça. Et bien, il y a des mecs de Lightbearer dedans aussi, en fait. Et il y en avait aussi dans Momentum. Enfin, voilà, c'est un peu. On sent que c'est un petit milieu où les mecs partagent. Enfin, il y a autant de types, ils ont tous les mêmes groupes au final. Mais voilà, c'est très très cool, donc on écoute Archivist. Yeah. Voilà. Ouais. Et voilà, c'était Archivist avec le morceau Escape Velocity. Alors il nous reste très très peu de temps, ouais, tout de suite on enchaîne. Donc là on passe Conflict avec This Is the ALF, voilà, un classique de la narcopunk anglais. Voilà, allez, on se retrouve le 29 novembre. Salut. What does direct action mean? It means that you're no longer prepared to sit back and allow terrible, cruel things to happen. The cameraman in Ethiopia took direct action. He filmed the worst disaster that has ever happened to human beings. He realised it was too enormous a problem to handle himself, so he took the film's time and hoped that other people would help. And did. Are you prepared to sit back any longer? Direct action of animal rights means causing economic damage to those who abuse and make profits from exploitation. Start. It's worth more than things that are useless, quiet, and I've lost. Which is where the vast and furious mess with a bread like a lot. From pain and shock to be had, and quakes to the world's great and dark. To the guns which will deter those who see things which just don't start. Sending the petrol truck is their delivery going nowhere. And the deaths of our lips are actually the first person to bring it. If we saw this comes to ten, the labels, they say you don't care about human beings. We say all sentient beings, animal or human, have the right to live, free from pain, torture and suffering. They say because we are human and speak the same, we matter more. Is our pain and suffering any greater or lesser than that of animals? Human for animal rights is a natural prejudice, as black v white, or the Nazis versus the Jews. And a front